Thank you.

répondre. Passe la requin, petit cochon. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Nous, on n'y est pour rien. Merci beaucoup. Au revoir, mes petits enfants.